joint me calme, la lune brille, le vin coule. Les nuages passent, le ciel reste gris, le soleil doux. Peu importe le temps, j'irai là où on me dit non. J'affirmerai le faux et je confirmerai ça sur un son. Je suis juste un mec comme les autres, un mec qui picole et qui déconne sans raison. Pourquoi m'en voulez-vous? Vous m'en voulez pourquoi m'en voulez-vous? Pourquoi m'en voulez-vous? Vous m'en voulez pourquoi m'en voulez-vous? Pourquoi m'en voulez-vous? Vous m'en voulez-vous? Vous m'en voulez-vous? Je suis triste et ça se sent dans mon album. Je compatis et je veux que tu t'accroches. Des opportunités, j'en ai eu que trop. J'avais toutes les phrases, mais je n'ai pas su trouver les mots. La route est longue, longue, mais il suffit d'un court moment. Je me dis que tout va bien pour l'instant.